continuons cette rentrée à nous saisir des grandes actualités scientifiques qui ont marqué cet été 2020. Et aujourd'hui, retour sur un astre que nous avons déjà exploré, mais qui pourrait s'avérer autrement plus captivant que ce que ces deux petites taches blanches, ces deux lumières au fond d'un cratère révélées par la sonde Dawn pouvaient supposer. Retour sur Cérès, la planète naine de la ceinture d'astéroïdes, qui pourrait, selon une série d'études publiées cet été, abriter peut-être un océan souterrain. Comment les scientifiques en sont-ils arrivés à cette conclusion ? Pourquoi de l'eau liquide si loin du Soleil ? On lève le voile sur les mystères de l'eau sur Cérès. Au liquide, Cérès possible, c'est le programme aquatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. On ne reviendra pas une fois de plus sur ce titre. Pour plonger sous la surface de Cérès, en quête donc de ce potentiel océan souterrain et pour faire un peu de planétologie comparée avec les autres objets qui pourraient abriter ce type d'éléments liquides sous leur surface, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et depuis Pasadena, Californie, Julie Castillo, bonjour. Bonjour. Vous êtes cherche. Enchantée d'être là. Eh ben, enchantée de vous avoir depuis. Je sais qu'il est un peu tôt en Californie, donc merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et sous-responsable scientifique de la mission Dawn, dont nous allons reparler dans quelques instants. Et nous sommes en ligne également, mais depuis la France avec Gabriel Toby. Bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue au CNRS, au laboratoire de planétologie et géodynamique à l'université de Nantes. Mais pour commencer, celle qui n'a pas de l'eau sous la surface, mais de la lave dans le sang, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence par cette étude publiée dans la revue Science Advances. Il faut s'attendre à une seconde vague, mais d'extinction d'espèces animales et de mammifères, surtout Natacha. Mais plus de doute, hein, pour la biodiversité, l'activité humaine est le facteur d'extinction le plus grave. Une équipe internationale a estimé l'impact des humains sur la diversité des mammifères dans le passé, mais aussi dans le futur. À partir des archives fossiles, ils ont fait des simulations bayésiennes. Cela consiste à calculer les probabilités pour qu'une hypothèse soit plus vraisemblable qu'une autre. Ils sont remontés jusqu'à 120 000 ans. À cette époque, il y a des changements climatiques forts, avec des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires, mais c'est aussi l'époque où Homo sapiens se répand dans le monde entier. Leur conclusion, ces 126 000 dernières années, 96% des extinctions de mammifères sont dues à la présence humaine et non au climat. De plus, les taux d'extinction d'aujourd'hui sont 1700 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient au début du Pléistocène tardif. Et cela s'accélère. Éric Buffeteau est directeur de recherche émérite du CNRS et travaille au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure à Paris. Leur conclusion, c'est que l'effet du climat apparaît négligeable, alors que l'effet de l'augmentation de la population humaine, lui, est très important en ce qui concerne les extinctions de mammifères. Les derniers mammouths ont disparu il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont été contemporains des pharaons égyptiens. C'est une question qui s'est posée depuis très longtemps pour le mammouth et d'autres animaux qui vivaient pendant la dernière période glaciaire. Ont-ils disparu à cause du changement climatique ou à cause du développement de l'humanité et de l'accroissement des populations humaines qui les auraient chassés jusqu'à l'extinction? Il est clair que dans un passé récent, dans les derniers siècles, un grand nombre d'espèces de mammifères ont disparu. Et dans beaucoup de cas, on sait de façon à peu près certaine que c'est à cause des activités humaines, de la chasse excessive ou de la destruction de l'environnement. On sait qu'il y a de nombreuses espèces de mammifères actuellement qui sont menacées. Et eux, ils ont fait des projections donc sur ce qui risquait de se passer dans les prochaines décennies. Et ils pensent qu'on peut s'attendre à des extinctions très très sévères de plusieurs centaines d'espèces d'ici la fin du siècle. Avec une accélération du taux d'extinction d'ailleurs. Et on arriverait à près de 600 espèces de mammifères qui disparaîtraient d'ici 2100. La situation est grave. Cela dit, elle est grave, mais pas forcément désespérée, parce que dans leur conclusion, il faut remarquer que si des mesures de protection efficaces sont prises, ce nombre d'espèces disparues devrait être moins important que ce qu'on peut craindre. Donc il reste un espoir, à condition qu'on fasse quelque chose. Voilà, et cette étude hein, publiée dans Science Advances, vous pouvez retrouver un lien pour la consulter directement via notre fil Twitter @laméthodefc, et puis également vous pouvez retrouver ce fil sur notre page sur le site de franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans SES Applied Energy Materials, en ajoutant des nanoparticules, les fenêtres pourraient devenir des panneaux solaires transparents. Une entreprise américaine a développé des panneaux solaires transparents comme des vitres. Cela ressemble à du verre ordinaire avec des teintes légèrement brunes ou grises. Ces panneaux transparents sont constitués de deux couches de verre collé avec un polymère qui contient des boîtes quantiques. Les boîtes quantiques sont des nanoparticules semi-conductrices. Lorsqu'elles sont excitées par la lumière UV, elles libèrent des photons qui voyagent le long du panneau vers son bord. Le bord est équipé de cellules solaires qui convertissent les photons en courant électrique. Les rendements de ces vitres sont de 3,6%. Les panneaux solaires classiques ont eux un rendement de 15 à 20%. Mais selon les auteurs, cette innovation serait utile pour de nouveaux bâtiments éco-énergétiques. Le plus célèbre des radiotélescopes, le télescope d'Arecibo, est toujours à l'arrêt. Et le 10 août dernier, le deuxième plus grand radiotélescope du monde, sur l'île de Porto Rico, a été gravement endommagé par une chute de câble. Des dégâts impressionnants qui ont éventré, sur une bonne trentaine de mètres, la gigantesque parabole. Toutes les observations et les activités du télescope sont en suspens. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet accident et aucune date n'a été annoncée pour le lancement des réparations. Et selon une étude parue dans la revue PNAS, un médicament expérimental augmente la masse musculaire et osseuse des souris qui deviennent un peu des souris Hulk. Oui, alors ce n'est pas du tout un délire culturiste. L'objectif de cette recherche est d'aider les personnalités à se remettre sur pied. Quand on ne les utilise pas, les os et les muscles perdent de leur masse. C'est ce que l'on voit chez les personnes longtemps immobilisées au lit ou chez les astronautes. Ce médicament a été testé sur des souris qui ont passé un mois à bord de la Station Spatiale Internationale. La molécule a réussi à bloquer les effets de la myostatine et de l'activine A, deux protéines qui se lient aux récepteurs des cellules musculaires et qui bloquent leur croissance. En seulement 2 semaines, les doses de ce médicament ont produit une augmentation de 50% de la masse musculaire des souris. Bon, pour le moment, les tests sur l'humain n'ont pas été concluants. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Il y a eu les lunes glacées de Jupiter et Saturne, Europe, Encelade, Ganymède, Titan, sur lesquelles les observations depuis le sol, puis les différentes sondes ont rapporté pour qui des geysers de glace ou des détections d'océans souterrains sous la couche de glace de la surface, voire des fleuves de méthane même sur Titan. Et puis il y a eu plus récemment une suspicion pour Pluton, cette fois feu, la 9e planète de notre système, rétrogradée en planète naine, qui pourrait peut-être, elle aussi, sous certaines conditions, et c'est encore hypothétique, une hypothèse assez fragile d'ailleurs, mais sous certaines conditions, abriter de l'eau également à l'état liquide sur sa surface. Et puis cet été, pas moins de 7 études ont été publiées au mois d'août, des publications qui éclairent d'une lumière nouvelle la nature du plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes, la planète naine Cérès, qui elle aussi pourrait bien abriter de l'eau liquide sous son sol. Ces 7 publications ne tombent pas par hasard, elles sont le fruit des travaux d'analyse de données de la sonde Dawn, lancée en 2007, et qui avant d'aller examiner Cérès s'intéressait à Vesta, c'est pas tout la même chose, comme en témoigne notre archive du jour. Mission accomplie, du moins pour les premiers objectifs de la sonde Dawn de la NASA en orbite autour de l'astéroïde Vesta. Ce long voyage de 2,8 milliards de kilomètres a commencé le 27 septembre 2007, destination la ceinture d'astéroïdes où ce 16 juillet, elle s'est placée en orbite autour de Vesta. Pendant une année, elle va scruter le deuxième plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes qui se situe entre Mars et Jupiter. Elle doit déterminer la structure interne de l'astéroïde, sa densité, sa forme, sa taille, sa composition et sa masse. Dawn doit fournir aussi des informations sur la topographie de la surface et faire un inventaire des cratères. Ce n'est pas un corps uniforme. Différentes choses se sont produites à plusieurs endroits de la surface et cela montre que l'intérieur de l'astre a recraché ce minéral à la surface. Nous allons apprendre comment les astres comme Vesta sont nés et comment ils ont évolué. Nous allons apprendre beaucoup de choses sur l'évolution. Toutes ces mesures permettront de comprendre les processus à l'œuvre au tout début de la formation du système solaire, ainsi que le rôle de l'eau dans l'évolution des planètes. Après une année autour de Vesta, la sonde reprendra sa route vers un autre astéroïde, Cérès. Voilà, Vesta avant Cérès, c'était il y a bien longtemps. Une réaction peut-être simplement à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Julie Castillo ? C'était un peu émouvant d'entendre Chris Russell, qui est le chef de la mission, qui a été le chef de la mission jusqu'en 2018. Et c'est vrai que c'était très émouvant quand Don est arrivé à Vesta. C'était la première fois qu'on utilisait la propulsion électrique pour aller vers un objet. Et donc ça ouvre la voie à tout plein d'autres types d'exploration. Gabriel Toby. Bah, ce que ça nous montre également, c'est que c'est des projets qui sont sur du très très long terme. Donc, comme vous avez vu, il y a eu de grandes périodes entre le lancement et puis les premières mesures qui ont été faites sur Vesta. Et puis ça s'est produit pendant très très longtemps. Donc ça, c'est typique de l'exploration spatiale et en particulier de l'exploration spatiale du système extérieur où on met toujours très longtemps à y arriver et après on reste très longtemps à analyser les données. Et puis ces missions peuvent être d'ailleurs prolongées, ce qui a été le cas pour Dawn. La dernière fois que nous parlions de Cérès, c'était en 2018, à l'époque où ces premières photos haute définition remontaient, où on avait découvert ces deux points blancs, ces deux traces blanches à l'intérieur d'un cratère. On les avait même appelés, ça avait déclenché beaucoup de réactions populaires, les lumières de Cérès. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces photos, depuis 2018, puisque le travail a continué et a abouti justement à ces publications de cet été, Julie Castillo. Donc on a eu plein de données jusqu'en octobre 2018. Et ensuite a commencé un travail très long d'analyse de ces données. Et il y avait des données infrarouges en particulier qui sont très très intéressantes, qui sont à la base de la découverte de la saumure à l'intérieur de Cérès. Et on a eu aussi de très belles images. Ce que l'on a publié récemment s'intéresse en particulier aux 14 cratères, mais on a eu énormément d'images qui couvrent pratiquement les trois quarts de Cérès sur une bande qui fait quelques centaines de kilomètres. Et avec du coup cette hypothèse folle, mais on va parler de ces différentes études, il n'y a pas que cela, il y a aussi des questions liées au cryovolcanisme, il y a beaucoup de choses passionnantes, mais il pourrait donc y avoir, alors on parle d'eau en fait, vous allez nous préciser ça, Julie Castillo, mais en tout cas une sorte de liquide ou d'eau à l'état liquide, d'eau avec très très chargée en sels minéraux sous la surface de Cérès. Oui, on a trouvé la preuve à la surface de ce cratère qui s'appelle O14, hein, O14 cratère, un type de sel qui contient des molécules d'eau. Ça s'appelle de l'hydrohalite et c'est un sel qui est très très commun sur Terre. On trouve ça dans des régions froides. Et donc donc sur Terre, l'atmosphère fait que ce sel est stable à la surface de la Terre. Mais sur Cérès, il y a très peu de pression, il n'y a pas d'atmosphère et la température est quand même relativement chaude. Et donc ce sel n'est pas stable dans cette structure où il contient de l'eau. Et le fait de trouver ce sel à la surface de Cérès suggère qu'il a été mis en place très récemment. Probablement, quand la mission Dawn a commencé et était autour de Cérès, on avait un emplacement en temps réel de ce matériel. Ce qui est intéressant, Gabriel Toby, c'est que j'évoquais différents corps, différents objets, notamment on pense évidemment aux lunes glacées de Jupiter et Saturne, mais aussi, pourquoi pas Pluton. On est en train de se rendre compte que petit à petit, de l'eau dans le système solaire, de l'eau liquide, il y en a presque partout, peu ou prou. Alors on en a découvert dans beaucoup d'endroits, après on pourrait peut-être pas dire qu'il y en a partout. En tout cas, beaucoup plus que ce qu'on imaginait il y a encore 20 ans. Alors, on imaginait depuis 20 ans qu'il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de glace, en tout cas, mm-hmm. Dès lors qu'on s'éloignait dans le système solaire et qu'on arrivait en gros à l'orbite de Cérès. Et à partir de l'orbite de Jupiter, en tout cas, on était certain que la plupart des objets étaient composés de glace d'eau. La question qui a demeuré pendant longtemps, c'était à savoir est-ce que sous cette croûte froide, glacée, est-ce qu'on pouvait avoir de l'eau liquide? Et là, effectivement, on a plusieurs objets, donc autour de Jupiter, dans un premier temps, ensuite autour de Saturne, où on a eu la preuve qu'il y avait de l'eau liquide. Et sur Cérès, ça c'est une grande découverte, parce que là, on n'imaginait pas qu'un objet aussi petit pouvait préserver de l'eau liquide à l'état jusqu'à maintenant. On imaginait très bien que dans le passé, on pouvait avoir de l'eau liquide à l'intérieur d'un objet comme Cérès. Par contre, le fait d'avoir ces traces de sels hydratés, donc d'hydrohalite, donc c'est, en gros, c'est des sels de... C'est du chlorure de sodium, donc c'est le chlorure de sodium qu'on a dans notre eau sur Terre. Mmh. Sauf que là, on a des conditions où on l'a cristallisé, puisqu'on a eu un processus qui l'a cristallisé progressivement. Donc on a cristallisé l'eau et on a permis d'apporter ce chlorure de sodium à la surface sous cette forme qui est normalement instable. Et comme l'expliquait Julie, le fait qu'on observe toujours ce sel sous une forme hydratée indique qu'il a été mis en place il y a vraiment très peu de temps. Donc c'est surtout cet indice-là qui est encore le plus intéressant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc des dernières nouvelles de Cérès tout au long de cette heure en compagnie de Julie Castillo et de Gabriel Toby. Comme je le disais tout à l'heure, nous avions déjà consacré une émission entière à Cérès. On va vous en mettre le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. Ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est bien ce qui s'est produit. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées depuis cette dernière émission qui date d'il y a 2 ans et demi, qui date du mois d'avril 2018. Peut-être que néanmoins, pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas cette émission en tête, c'était il y a un peu longtemps, on va refaire rapidement, Julie Castillo, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que cet objet Cérès? C'est un objet particulier, où il se trouve, une petite fiche d'identité? Alors, Cérès, c'est le premier astéroïde qui a été découvert par un Italien, Piazzi, au tout début du 19e siècle. Et au tout début, Piazzi pensait que c'était une planète, en fait. Il pensait qu'il avait trouvé une planète manquante entre Mars et Jupiter. Mais ensuite, la découverte des astéroïdes s'est emballée. On a trouvé tout plein d'astéroïdes. So, au début, Cérès était catalogué comme une planète, mais ensuite, il est devenu un astéroïde. Et en 2006, il a été décidé que les objets comme Cérès et Pluton, qui sont très grands... qui sont très larges, mais pas suffisamment larges, pour être isolés dans leur coin. Donc ils sont Cérès et Pluton sont à l'intérieur de ceintures d'objets. Il a été décidé que ces objets seraient appelés des planètes naines. Et donc Cérès fait à peu près 950 km de diamètre. Et on sait, grâce à aux données de la mission Dawn, que sa structure interne ressemble à celle des lunes de Saturne et Jupiter. Il a une couche de glace qui fait à peu près 40 km d'épaisseur. Et à l'intérieur, il y a pas mal de roches. Mmh. Par rapport, pour qu'on ait un point de comparaison, donc c'est un peu moins de 1000 km de diamètre par rapport à la Lune, c'est quelle taille? Par rapport à notre Lune? C'est à peu près la moitié de la taille. La Lune, c'est de l'ordre de 1700 km. Mmh. Et donc c'est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes, mais paradoxalement la plus petite des planètes naines que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Ou est-ce que ça a changé, ça, Julie Castillo? Il y a eu du bruit sur la ligne. Ah pardon, excusez-moi. Je disais, c'est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. C'est une planète naine parce que, comme vous l'évoquiez, elle n'a pas fait le vide autour d'elle comme Pluton. Néanmoins, c'est la plus petite des planètes naines de notre système, c'est cela? Oui. C'est la plus petite. Il y a beaucoup il y a une dizaine de planètes naines qui ont été identifiées. La plupart sont dans la ceinture de Kuiper. Mais, c'est-à-dire derrière Neptune? C'est planète. Oui. Et donc Cérès est la plus petite, oui. Et quelles sont les particularités de Cérès, justement, par rapport aux différents objets qui peuplent la ceinture d'astéroïdes? Je crois que c'est plutôt une composition minoritaire par rapport au reste de ces objets. Alors Cérès a beaucoup d'eau, c'est quelque chose qui est très surprenant. Mais en gardant en tête qu'on connaît pas vraiment la composition des autres objets de la ceinture d'astéroïdes. Et ce gros volume d'eau sur Cérès est juste basé sur la connaissance de sa densité. Donc on savait ça depuis 30 ans, qu'il avait à peu près... Si toute son eau était sous forme de glace, il aurait à peu près 45% de son volume serait de l'eau. Donc on a quelques données de densité pour d'autres objets dans la ceinture d'astéroïdes, Et il y a peut-être un autre objet qui a aussi beaucoup d'eau comme Cérès. Et il a été suggéré que les deux objets viennent de la même région du système solaire externe. Mais ouais, Cérès est très très bizarre. Oui, c'est ça. C'est... De par sa taille et sa densité. Très insolite, effectivement, dans la ceinture d'astéroïdes. Peut-être un mot, justement, Gabriel Toby, sur les particularités de Cérès. Bah justement, Cérès, c'est le, comme le disait Julie, c'est le seul corps qui a une grande quantité de glace, en tout cas avérée, dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, il fait partie plutôt de cette grande famille des corps glacés qu'on pensait exister qu'au-delà de Jupiter. Et donc, le fait de le trouver dans la ceinture d'astéroïdes, ça nous indique aussi des informations sur les bouleversements qu'il y a pu avoir dans le système solaire tout au début de sa formation. Peut-être qu'on en discutera plus en détail bien par sûr, la suite. Mais on y reviendra. Dans tous les cas, ce qui est intéressant avec Cérès, c'est que c'est l'objet glacé le plus proche de nous. Donc tous les objets glacés ils sont très intéressants, mais en général ils sont très lointains. Et Cérès, finalement, c'est celui qui est presque dans notre banlieue. Il est que à 2,7 unités astronomiques, donc c'est accessible, on va dire. C'est pas juste à côté, mais c'est l'objet glacé le plus accessible qu'on a dans notre système solaire. Et alors du coup, Julie Castillo, racontez-nous un peu toutes ces données de la sonde Dawn dont vous avez hérité, sur lesquelles vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur ce cratère Okator. Qu'est-ce qui s'y passe? Il y avait ces donc deux points lumineux dont la nature a été totalement dévoilée aujourd'hui, mais beaucoup plus que ça. Ça vous a permis plus exactement, parce que moi j'ai pas fait grand-chose, mais ça vous a permis de mieux comprendre finalement la structure de cet objet et notamment ce qui se passe en dessous de sa surface. Oui, tout à fait. Donc c'est évaporites à la surface de Okator crater. Alors qu'est-ce que c'est que des évaporites? Qu'est-ce que c'est que des évaporites? C'est le résidu, le dépôt de sel produit après qu'une saumure a été exposée à la surface d'un objet. Mmh. Donc on en trouve plein sur Terre. Pour sûr. Et en fait, Cérès, à Okator Crater en particulier, a le plus grand dépôt d'évaporites de carbonate trouvé en dehors de la Terre. Donc ça, c'était une grosse découverte de la première partie de la mission Dawn. On a trouvé ça en 2015-2016. Et donc la grosse question qui a fasciné toute l'équipe et le public, c'est d'où est-ce que viennent ces sels? D'où vient ce carbonate de sodium? Le carbonate de sodium et qui est un matériel très très intéressant parce que il peut créer des environnements alcalins à pH relativement élevé. Dans des milieux aquatiques. Donc ça, c'est intéressant pour l'aspect astrobiologie. Et c'est la première fois qu'on trouvait du matériel comme ça en grande quantité à la surface d'un objet extraterrestre. Et donc ça, c'est ce qui a motivé pour la fin de la mission que l'on change l'orbite de la sonde Dawn de manière à ce qu'elle observe très proche de la surface de Okator Crater, à peu près 35 km. Mmh. Et alors du coup, c'est ce changement de direction, et puis surtout ce que vous disiez, c'est intéressant, c'est que vous disiez que ces carbonates de sodium seraient apparus finalement sur une apparition très récente, donc seraient finalement en fait le résultat de quelque chose qui s'est produit, le continuum de quelque chose qui s'est produit dans l'histoire assez récente de la planète naine. Alors, on trouve la présence de carbonate de sodium sur toute la surface de Cérès, sous forme de taches brillantes. On en a recensé 300 jusqu'à présent. Mais avec le temps, à cause des impacts de petites météorites, la surface devient noire. Se noircit, donc ces points disparaissent. Mais on a réussi quand même à retrouver la trace de beaucoup de sel en général, et en particulier de carbonate de sodium sur Cérès. Donc on pense qu'il y a eu un mécanisme global de formation de ces carbonates et de leur emplacement tout au cours de l'histoire de Cérès. À Okator Crater, ces points sont extrêmement brillants, ils sont extrêmement frais. Ils n'ont pas été contaminés par des météorites. Et donc ça nous dit qu'ils se sont mis en place il y a moins de quelques millions d'années. C'est toujours très difficile de dater quand on a seulement des données en orbite. Mmh. Mais ils sont très très récents, et en particulier là où on trouve l'hydrohalite, comme mentionné tout à l'heure, c'est clair que le matériel est mis en place en temps réel. Et alors du coup, tout ça vous a permis de proposer un modèle, c'est-à-dire un modèle qui partirait justement d'un impact qui a créé ce cratère Hawkator et qui aurait créé toute une forme de réaction en chaîne qui conduit finalement bien à des remontées de cette eau très chargée en sels minéraux de Saumur pour arriver à la création de ces carbonates de sodium. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est justement toute la mécanique céleste qui est en jeu, Julie Castillo? Oui, alors quand on a... Il y a eu énormément de débats, énormément de discussions à l'intérieur de l'équipe. Concernant l'origine de ce matériel, moi j'étais persuadée que un impact avait créé quand un objet impacte un autre objet, il y a une création de chaleur importante, et donc je pensais que un impact avait créé un réservoir de liquide juste sous la surface de Hawkator. Et que les sels venaient de ce réservoir de liquide, mais qui était relativement superficiel. C'est-à-dire, si je vous interromps, Julie Castillo, ça veut dire que, en fait, le liquide serait créé finalement par l'énergie qui est consécutive à l'impact de la météorite. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait fait fondre la glace. C'est ça que vous sous-entendez ? Oui. Oui, oui. Okay. Pardon, merci d'avoir. Non, mais c'est juste pour préciser, oui. Et donc voilà, le problème c'est que cette chambre de liquide formée par l'impact, comme elle est très superficielle, sa durée de vie est limitée. Et on a fait tout plein de modèles, on a essayé d'expliquer comment une chambre comme ça aurait pu subsister pendant 10 millions d'années et expliquer qu'il y avait de l'activité à présent, alors que le cratère s'est créé il y a quelques dizaines de millions d'années. Et on n'a pas réussi. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille qu'il y avait une autre source de liquide dans Cérès. Et en fait, dans Hawkator cratère, il y a une région principale de sel juste au centre du cratère. Et elle, on pense que cette région de sel, elle vient de l'impact, du réservoir de liquide créé par l'impact. Parce que c'est juste une coïncidence. Le fait qu'elle soit juste à l'intérieur du cratère suggère que la source principale est juste sous la surface. Mais il y a une deuxième région qui s'appelle Vinalia, dans la partie est du cratère, qui est le long de fractures. Et il y a une douzaine de ces taches brillantes. Et elle, c'est plus difficile d'expliquer leur origine. Et vu qu'il y a des fractures très larges qui sont associées avec ces évaporites, on pense que ces fractures, en fait, vont jusqu'à un réservoir de liquide qui est à 40 km de profondeur. Mmh. Donc l'histoire, après avoir regardé toutes nos belles images pendant 6 mois, c'est qu'on pense que le cratère non seulement a créé du liquide dans la croûte de Cérès, mais en plus il a introduit des failles, des grosses fractures qui sont allées jusqu'à 40 km de profondeur. Et ça a permis ça a créé un conduit pour ce liquide profond et de manière à ce qu'il puisse atteindre la surface. Du coup, Gabriel Tobie, ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'hypothèse aujourd'hui retenue, c'est qu'il y aurait effectivement donc ces saumures, hein, ces eaux très chargées en sels minéraux à 40 km de profondeur sous la croûte, la surface de Cérès. Mais se pose tout de même une question, et c'est comment est-ce qu'on peut maintenir de l'eau à l'état liquide sans source de chaleur que peuvent être soit l'activité d'un noyau encore actif ou les forces de marée que l'on connaît très puissantes qu'il peut y avoir autour de Jupiter et de Saturne. Donc effectivement, sur Cérès, on n'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de sources de chaleur, mais il y a tout de même toujours une source de chaleur à l'intérieur. En fait, tout corps du système solaire a une production de chaleur produite par les éléments radioactifs. Donc sur Terre, c'est notre principale source de chaleur. Et dans Cérès également. Donc Cérès est petit, donc il y a un peu moins d'énergie. Mais vu qu'il est beaucoup plus petit également, il va pas évacuer de manière aussi efficace son énergie qu'un objet comme la Terre, parce qu'on n'a pas de tectonique des plaques, on a juste de la conduction. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est à l'intérieur de Cérès va être perdue dans l'espace par transfert de chaleur par conduction à travers la croûte. Donc ce qu'on sait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer à l'intérieur de Cérès, la température naturellement va s'élever. Donc plus on remonte dans le passé, plus la température à l'intérieur est élevée. Et à l'heure actuelle, bah, en tout cas, c'est ce que nous montrent les données de la mission DARN et ce qui montre également différents modèles d'évolution. Bah, on pourrait encore être capable de préserver à 40, 50 kilomètres, je n'ai pas la valeur exacte, peut-être Julie pourra confirmer, mais des températures qui vont être proches justement de la température à laquelle on cristallise ces fameux saumures. Donc si, suivant la composition de l'eau salée, donc ça va dépendre si on met par exemple du carbonate de sodium ou on met du chlorure de sodium, oui. On va pas avoir les mêmes températures à laquelle on va cristalliser. Donc ce qu'on envisage, c'est qu'au fur et à mesure que ce corps CRS se refroidit, ben, les différentes phases, les différentes composés vont se cristalliser et puis on va voir ces différentes séquences. Et ce qu'on attend, c'est qu'à l'heure actuelle, sur CRS, on aurait encore une température qui serait de l'ordre de moins 50 ou moins 40 degrés en profondeur qui permettrait moins 30. Mais on va voir avec qui permettrait questions. D'être juste à la limite à laquelle on va cristalliser ces saumures. Et peut-être si on attend 10 ou 20 ou 50 millions de plus, années de plus, bah, on aura une cristallisation complète de ces saumures. Et donc un sous-sol de glace. Julie Castillo, vous confirmez ça? Parce qu'évidemment, la forte charge en sels minéraux plus la pression font que le niveau de gel n'est pas le même. Et donc, on serait autour de ces températures, des températures que vient de décrire Gabriel Tobis, qui permettraient donc de maintenir ces saumures à l'état liquide? Oui, exactement. Et Gabriel mentionne une séquence de cristallisation, et en fait, on la voit très bien. C'est un très très joli résultat de la mission. On voit que à la base du dépôt principal de sel, qui s'appelle Cerealia, au centre du cratère, qui a énormément de carbonate de sodium, mais avec l'élévation, on trouve de plus en plus de chlorure. On trouve des chlorures d'ammonium, donc des chlorures d'une forme de d'ammoniac, d'azote. Et au sommet de Cerealia, on trouve l'hydrohalite. Et donc ça nous dit que la température d'emplacement des matériels au début de cette activité de saumure était à peu près moins 3-4 degrés Celsius. Et comme Gabriel le mentionnait, la température a continué à baisser. Et actuellement, les matériaux qu'on voit exposés à la surface d'eau 14 suggèrent que leur source est à peu près moins 30 degrés Celsius. Et on va voir que ça n'est pas la seule surprise que réserve Cérès. Il y a la question peut-être d'une activité cryovolcanique, mais tout de même très près du soleil par rapport à ce que l'on connaît bien loin sur les lunes glacées et ailleurs dans la ceinture de Kuiper. Et puis on va poser la question aussi de l'origine, de la nature de Cérès que révèlent ces informations. Cérès était-il un monde océanique? Qu'est-ce que c'est qu'un monde océanique? On en parle dans quelques instants. Philippe Spark, Asteroids and Shooting Stars à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de Cérès et des dernières données transmises par la sonde Dawn qui ont été analysées, qui ont produit bien plusieurs publications au cours de cet été et qui nous donnent des informations assez passionnantes sur cette planète naine, plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Nous en parlons avec Julie Castillo qui est avec nous depuis Pasadena en Californie et qui est chercheuse au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, sous-responsable scientifique de cette mission Down, et avec Gabriel Toby qui est planétologue au CNRS, au laboratoire de planétologie et géodynamique à l'université de Nantes. Et parmi les innombrables données qu'a transmis la sonde Down, certaines ont permis d'en scruter la structure interne. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu non pas à Saclay cette fois, mais à l'observatoire de Paris pour explorer les entrailles de la planète naine. Oui, en tout cas dans les grandes structures. On sait que Cérès est partiellement différenciée, c'est-à-dire qu'elle possède une croûte, un manteau et un noyau. On arrive à savoir ça en partie par des mesures de gravitation et de densité, information qu'on peut obtenir par la reconstruction de la trajectoire de la sonde Dawn autour de Cérès. Ces données sont captées par les appareils sur la sonde, puis transmises par signaux radio aux antennes sur Terre. On peut alors connaître l'intensité précise du champ de gravité autour de Cérès et donc en déduire localement la structure interne. Nicolas Rambeau, lui, travaille sur l'analyse de ce type de données et les compare avec l'analyse d'autres petits corps dans le système solaire. Moi, j'ai travaillé sur l'interprétation des données, et les données de base, c'était la forme de Cérès, et la forme de Cérès a été acquise par les images de la caméra de Dawn, et également sur le champ de gravité. Alors, le champ de gravité, il est déduit de la reconstruction de l'orbite de Dawn autour de Cérès. Et pour reconstruire l'orbite de Dawn autour de Cérès, et de ces signaux-là, en fait, on peut faire des mesures de distance en mesurant le temps aller-retour des signaux de communication. Et également, on peut mesurer par effet Doppler la vitesse de la sonde. Donc en connaissant la distance de la sonde et puis la vitesse de la sonde, à ce moment-là, l'équipe de navigation peut reconstruire l'orbite. Et l'orbite va dépendre de la distribution de masse dans Cérès. Donc du coup, avoir une carte, une très bonne image du champ de gravité de Cérès. Une fois qu'on a pu déterminer ce champ de gravité, est-ce que ça peut donner des indications sur la structure interne de Cérès ? Alors oui. Donc à partir du champ de gravité, si on suppose que Cérès est dans un état d'équilibre, qu'on va appeler un équilibre hydrostatique, à ce moment-là, on peut avoir de l'information sur la structure interne. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare le champ de gravité à des modèles théoriques de structure interne. Donc on a développé des modèles de structure interne à deux couches, avec une croûte et un manteau. Et on a calculé pour plusieurs modèles de structure interne la valeur du champ de gravité, qu'on a comparé avec l'observation. Et lorsqu'on a accordé deux, on arrive à contraindre la structure interne de Cérès. Alors, au niveau de la topographie, comment on s'y prend pour arriver à déterminer le profil interne à partir aussi des mesures du champ de gravité? Alors, pour la topographie, donc, l'équipe de Dawn a utilisé les images optiques issues de la caméra, et ils ont utilisé les ombres portées par les structures, donc soit par les cratères, soit par les bassins. Et à partir des ombres, on peut avoir une idée de la topographie. Après, nous, ce qui nous a intéressé, ça va être vraiment la figure globale de Cérès. Comme Cérès est relativement proche d'un équilibre hydrostatique, à ce moment-là, la forme globale de Cérès, ça va être un ellipsoïde aplati. Et dans le cadre de Cérès, l'aplatissement, qui va se quantifier comme l'écart entre le rayon équatorial, la différence entre le rayon équatorial et le rayon polaire, va être de 36 km pour un rayon moyen de 470 km. Donc on a un aplatissement très important. Et cet aplatissement, la valeur de cet aplatissement va dépendre de la structure interne de la planète. Je peux vous montrer un petit peu donc sur le travail qu'on a fait. Donc sur cette figure, elle représente l'ensemble des modèles de structure interne qu'on a balayés. Donc sur les axes, on a le rayon du manteau, également la densité du manteau. Et le jeu de couleurs représente la valeur du champ de gravité. Et les solutions qui correspondent aux observations de Dawn, ça va être la courbe en bleu. Et donc ce qu'on voit, c'est que les observations très précises permettent d'exclure un grand ensemble de modèles qu'on a construits. Et on a calculé la valeur du champ de gravité. Et la valeur de Cérès, en fait, va correspondre à la courbe bleue qui est représentée sur ce graphique. Donc on a toute une zone qui est colorée. Et les solutions qui correspondent au cas de CRS, en fait, ça va être une zone relativement fine. Donc ça va nous permettre de discriminer entre beaucoup de modèles. Cependant, la solution, elle n'est pas unique. Donc du coup, on va faire des hypothèses supplémentaires au niveau de la densité du manteau. Et pour la densité du manteau, on va la contraindre avec la valeur des météorites carbonées, qui va nous permettre en fait d'avoir ensuite une détermination sur la valeur de la densité du manteau et de la croûte. Ensuite, pour aller plus loin, donc dans une seconde étape, on va supposer la valeur de la densité du manteau et on va la contraindre par rapport à la densité des météorites. Donc en contraignant avec cette densité-là sur les météorites, on peut en déduire la valeur de la densité de la croûte. Et ce qu'on va en déduire, c'est que cette croûte-là, ça va être une croûte qui va être composée d'éléments volatiles, comme de l'eau et du sel, d'où la détermination des traces de sel à la surface. Quelle sera la suite de vos travaux maintenant sur la gravité ou la topographie de CRS ? Pour l'instant, donc la première partie de notre étude, c'était de regarder CRS globalement et de prendre à l'équilibre hydrostatique. Donc maintenant, grâce aux mesures plus fines de Dawn, on va pouvoir commencer à identifier les parties non hydrostatiques. Et de ces parties non hydrostatiques, on va poursuivre l'interprétation de ces traces, de ces réservoirs de variation de densité. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est que sur les contributions non hydrostatiques, il y a une interprétation en fait qui propose que CRS a une forme fossile, c'est-à-dire que la forme de CRS ne s'est pas complètement relaxée. Donc elle a gelé, elle a gardé une certaine forme. Et ce qui va être intéressant, ça va être de revisiter cette forme fossile, d'essayer d'identifier comment ça peut jouer pour la présence de ces réservoirs. Voilà ce reportage à l'Observatoire de Paris. Je vous laisse le commenter l'un et l'autre. Judy Castillo, justement, sur la structure interne de CRS. Oui, c'était une très bonne présentation par mon collègue Nicolas. Donc, il a très bien couvert les incertitudes qu'on a actuellement sur la structure interne de CRS. Et en particulier, il a mentionné la possibilité d'une forme fossile. Si jamais cela s'avère être vrai, en fait, ça signifierait que la couche de glace est encore moins dense. La croûte est encore moins dense que ce qu'on a déduit jusqu'à présent. Ça voudrait dire que cette croûte, elle est pratiquement faite de glace pure. Et donc, ça serait très intéressant. Pour l'instant, on pense qu'il y a à peu près 20% d'impuretés dans la croûte, hein, comme des sels, un petit peu de roche, etc. Mais il est possible que la glace serait plus pure que ce que l'on pense. Et donc, ça rapprocherait CRS encore plus des lunes de Saturne et de Jupiter en termes d'évolution thermique. Gabriel Toby, votre réaction à ce reportage et justement à cette avancée dans la classification entre guillemets de CRS dont on disait tout à l'heure en début d'émission que c'était quand même un objet très singulier dans la ceinture d'astéroïdes. Alors, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que les données qu'on a eues sur Dawn, elles sont assez exceptionnelles pour un objet de cette taille-là. Il y a très peu d'objets dans le système solaire qui sont caractérisés avec une si grande, avec autant de détails. Que ce soit la topographie ou le champ de gravité, ça a été mesuré de manière vraiment très précise dans le cas de CRS. Donc ça, c'est vraiment une petite révolution. Et justement, ce que ça nous apprend, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça nous indique qu'il y a de la glace à l'intérieur. Donc ça nous permet de le comparer avec des objets plus lointains. Donc on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, la densité moyenne déjà nous suggère qu'il y a de l'ordre de 30 à 40% de matière peu dense qui serait de la glace. Donc ça nous rapproche CRS clairement de ses cousins, on va dire, de la ceinture de la ceinture de Kuiper, donc que ce soit Pluton, que ce soit tous ces objets-là, ou également les satellites de Jupiter et Saturne, qu'on détaille pour certains d'entre elles, qui sont très comparables. Donc si on peut comparer, par exemple CRS, tout à l'heure on l'a comparé à notre Lune, mais si on compare à d'autres Lunes du système extérieur, il a une taille qui est très intermédiaire entre Encelade et Dionée, qui sont deux des lunes de Saturne. Et il a une composition qui peut être qui pourrait être comparable. Disons, peut-être si on avait mis Dione à la place de Cérès, peut-être que Dione aura la même évolution que Cérès. Oui, parce que c'est ce dont on parle en l'occurrence pour Encelade. Encelade, c'est vraiment une surface de glace beaucoup plus pure que ce que l'on peut trouver à la surface de Cérès, qui présente une surface grise qui est recouverte de matière d'ailleurs qui est partiellement carbonée. Regardez, Toby. C'est parce que Cérès est trop proche du Soleil. Donc si on prenait tous les corps glacés du système extérieur, qu'on le mettait à la place de Cérès, il se passerait la même chose, c'est-à-dire que la glace qu'ils ont en surface, elle se sublimerait assez rapidement. Et en fait, au final, on garderait que des dépôts de poussière et de matériaux qui restent stables à la surface de Cérès. Donc c'est plus une conséquence de cette distance au Soleil que... Donc il pourrait être quand même relativement similaire en termes de composition initiale, assez similaire à ces objets très lointains, mais par contre il a subi des processus différents à sa surface parce qu'il est plus proche du Soleil. Bien sûr. On reviendra tout à l'heure, hein, d'ailleurs, sur les raisons de cette proximité avec le Soleil, si tant est que l'hypothèse selon laquelle Cérès viendrait de la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire derrière Neptune, se confirme. Peut-être un mot tout de même, parce que on parle du coup de monde océanique, mais qu'est-ce que c'est exactement, Julie Castillo? Parce que cette expression monde océanique, elle est pas forcément claire pour nos auditrices et nos auditeurs, et puis je crois qu'elle fait un peu débat aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est un terme qui a été introduit il y a 5-6 ans, lorsqu'on s'est rendu compte, en particulier grâce aux données de la mission de la sonde Cassini, qu'il y avait de plus en plus d'objets qui avaient de l'eau liquide. Donc il a été suggéré que c'est parti du côté américain, du côté NASA, il a été suggéré de créer un programme d'études et d'exploration de ces objets qui contiennent de l'eau liquide et qui sont intéressants pour des raisons astrobiologiques. Et donc le gros débat qui a été un petit peu à cause de Cérès, à cause du fait que dans nos publications de l'équipe Donne, on est présenté Cérès comme un monde océan. Le débat, c'est combien d'eau il faut dans un objet, d'eau liquide, pour créer un monde océan. Donc il y avait la perception qu'un monde océan devrait avoir un océan global. Et c'est clair que pour Cérès, on n'a pas du tout la preuve que le réservoir liquide est global. Il est probablement très localisé. Il s'étend probablement sur des centaines de kilomètres, radialement et latéralement. Mais il est quand même localisé régionalement. C'est-à-dire que ce serait des poches d'eau liquide souterraine et donc en cours de cristallisation, comme on l'a entendu dans la première partie tout à l'heure. C'est ça, pour le moment, l'hypothèse que vous avez retenue? Exactement. Et donc, comme on a d'autres preuves de cryovolcanisme à d'autres endroits sur Cérès, en particulier une grosse montagne qui s'appelle Aona Mons, on pense qu'il y a plusieurs de ces réservoirs, mais on n'a pas la preuve qu'ils sont connectés. Et donc, après la sortie des articles en août, donc on a eu un peu de questions sur le fait, est-ce qu'on peut vraiment appeler Cérès un monde océan si ces réservoirs liquides ne sont pas connectés? Et moi, je pense que la réponse à ça, c'est que c'est un peu une question de sémantique, mais c'est pas trop important en fait. L'important, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup de liquide sous la surface de Cérès, et d'un point de vue astrobiologique, ça le met vraiment dans la même catégorie que les autres objets dans lesquels on a trouvé du liquide et même du liquide sous forme globale. Gabriel Toby, votre point de vue sur ce débat? Alors, on pourrait envisager justement que Cérès, ce serait un peu le stade final d'évolution d'un monde océan. Donc, il a probablement eu un océan plus massif dans le passé. On ne sait pas quand, mais il y a plusieurs milliards d'années. Et là, on est en train d'observer la fin, on va dire, de la cristallisation de son océan. Et c'est un phénomène très intéressant, parce que justement, c'est ça qui lui permet de faire ressortir ses saumures à la surface. Alors qu'on a d'autres objets dans le système solaire qui ont eu peut-être un océan pendant toute leur vie. Donc, c'est par exemple Europe. On envisage que cet océan, il aurait été stable pendant des milliards d'années. Et puis, on a un objet comme Encelade qui a peut-être eu un océan qu'il y a très récemment. En fait, bon, bref, tout ça, c'est des débats. Mais tout ça pour dire que ça nous permet, en observant, en étudiant ces différents objets, d'étudier différentes phases, on va dire, d'évolution de ces fameux mondes océans. Donc il y a au moins 7 ou 8 objets maintenant qu'on peut mettre dans cette catégorie-là, et je pense que le jour où on aura plus de données, on en mettra des dizaines dans la catégorie des mondes océans. Donc la plupart des objets glacés ont probablement eu un épisode d'océan global à un moment donné dans leur évolution. ce qui nous fait revenir à ma déclaration du début de cette émission en disant finalement il y a de l'eau partout, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on imaginait dans le système solaire qu'il y a encore 50, 60 ou même au début de l'exploration spatiale, au lancement de Spoutnik. Peut-être un mot tout de même, Julie Castillo, sur ce cryovolcanisme qui est l'autre page passionnante des études qui ont été publiées cet été, le mont Aouna. Qu'est-ce que c'est que ce cryovolcanisme? On sait que le cryovolcanisme, c'est un phénomène que l'on atteste, mais sur lequel on pose quand même pas mal de questions sur d'autres objets dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il s'agisse de cryovolcanisme. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce cryovolcanisme de Cérès? Alors, Aouna Monte, c'est vraiment un objet exceptionnel. C'est une montagne qui fait 4 km de haut et qui est à peu près 17 km en étendue. Et donc, c'est un volume de matériel qui est énorme. Mais il y a une seule montagne de ce type sur Cérès. Et donc, c'est vraiment une intrigue. Pas possible de comprendre comment un objet géologique comme ça s'est mis en place. Oui, puisqu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc du coup, d'où vient cette montagne? Comment est-elle apparue? C'est ça la question. Ouais, il n'y a aucune indication qu'il est associé avec des failles ou qu'il aurait pu être créé par un impact qui aurait généré du liquide, comme on a suggéré pour O14. Mais la mission Dawn a des données de gravité de cette région qui suggère que sa source est sous la croûte. Aouna est associée avec une anomalie de gravité positive extrêmement forte, la plus forte sur Cérès. L'analyse de ces données de gravité ont permis de reconstituer la source et la géométrie globalement du conduit. Qui a permis d'amener du matériel depuis le manteau de Cérès jusqu'à la surface. Et donc, du coup, on suppose que ce mont Aouna serait le siège d'activités de type cryovolcanique. Mais le cryovolcanisme, alors on en parle pour des objets très lointains, très loin du Soleil. Du cryovolcanisme aussi près du Soleil, ça paraît presque compliqué. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit et quelles sont les données dont on dispose aujourd'hui, Julie Castillo. Alors, pour l'instant, on n'a que quelques observations. Ces données de gravité, puis on a des informations très précises sur la forme et on a aussi la composition de Aouna Monte. Et on sait qu'il est aussi fait de carbonate de sodium. Donc, tout ça nous suggère qu'il s'est mis en place grâce à des sels liquides, une fois encore. Et peut-être probablement une boue très chargée en sel. Et c'est ça qui lui a permis de... C'est ça qui a permis de mettre en place autant de matériel sur la surface de Cérès. Alors maintenant, le cryovolcanisme, c'est complètement l'expertise de mon collègue Gabriel, et il peut parler de ça en plus de détails. Normalement, on s'attend à ce que le cryovolcanisme soit un phénomène actif et donc qu'il soit promu par de la chaleur, de la convection. Dans le cas de Cérès, on pense que c'est un phénomène passif, en fait. On pense que le manteau de boue et de liquide est sous pression. Comme Gabriel le disait tout à l'heure, le Cérès est en train de geler, donc le matériel est sous pression, et il est possible qu'il y ait eu des fractures qu'on voit pas, mais elles sont peut-être cachées par la montagne, qui ont permis, qui permettent à ce matériel sous pression de voyager jusqu'à la surface. Mais bon, le grand mystère, c'est qu'on a un seul exemple de structure de ce type sur Cérès. Donc, le mystère continue. Gabriel Toby, un mot sur ce cryovolcanisme putatif sur Cérès. Alors, justement, un des problèmes du cryovolcanisme, justement de l'activité cryovolcanique dans les mondes glacés, c'est qu'on est dans... Une particularité justement de la glace et de l'eau, c'est que quand la glace fond, elle forme de l'eau qui est plus dense que la glace. Donc ça, on le connaît tous. Et ça empêche justement la remontée du liquide à la surface. Donc c'est un effet complètement opposé à ce qui se passe par exemple dans le volcanisme terrestre, où quand on fond une roche qui devient une lave, cette lave devient moins dense, et donc elle a tendance naturellement à remonter, à former des volcans. Donc finalement, avoir du cryovolcanisme, c'est physiquement quasiment impossible. Pourtant, on a dans certains contextes, on arrive à en fabriquer. Dans le cas de Cérès, on pense qu'on peut le fabriquer parce que cette croûte, elle n'est pas constituée de glace pure. Ce qui fait que quand on forme de l'eau très salée, cette eau très salée va être moins dense que la croûte au-dessous, autour, environnante. Donc on peut faire remonter de l'eau liquide. Donc finalement, c'est possible dans le cas de Cérès. Dans les lunes de glace, bah, il faut avoir des forces, d'autres forces, par exemple des forces de marée ou des... d'autres forces qui vont aider justement le liquide à pouvoir remonter jusqu'à la surface et à pouvoir être éjecté à la surface. Donc ça peut se produire que dans des contextes assez particuliers. Et du coup, aujourd'hui, on parle d'une structure de glace de type Pingo. De quoi s'agit-il exactement, Julie Castillo ? Vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots ? Alors, le Pingo, c'est une structure de glace qui est formée par de l'eau liquide qui s'infiltre. Ça commence dans des sols gelés, dans des fractures. Et quand l'eau gèle, elle gonfle. Ça change de volume et donc ça crée des ça peut créer des petites montagnes. C'est très comment on trouve ça très très fréquemment en Arctique. Sur Cérès, ça a été suggéré comme une possibilité. Alors pas pour un amont, parce qu'un amont c'est vraiment très très massif. Mais à l'intérieur de Okator, du cratère Okator, on trouve plein de petites montagnes et on pense que c'est dû au fait que, donc, lorsqu'il y a eu l'impact qui a créé Okator cratère, il y a eu énormément de chaleur qui était en jeu, et il y a eu la glace a fondu pratiquement toute la surface du cratère, et donc quand elle a gelé, ça a créé ces petites montagnes. On en a trouvé une cinquantaine, si je me souviens bien. Et on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Évidemment, qui dit au liquide sous la surface protégé, on se pose la question forcément de la possibilité de l'existence du développement de molécules organiques et de vie, pourquoi pas, hein, puisqu'on se pose la question pour Europe, on se pose la question pour Ganymède. Est-ce qu'on peut se poser la question pour Cérès, selon vous, Gabriel Toby, de bactéries extrémophiles, anaérobies, qui sait? Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à des bactéries, mais en tout cas, la présence d'organique dans Cérès est tout à fait plausible et même il y a déjà eu des indices qui ont été apportés par la mission DARWIN à quelques endroits où on a des signatures de molécules organiques. De chaînes carbonées. Donc, on ne parle pas de choses vivantes, on parle de chaînes carbonées, ce qui est différent. De chaînes carbonées. Mmh. Et il faut savoir que tous les matériaux, tout ce qu'on appelle les chondrites carbonées, qui sont, des météorites primitives, qu'on pense être assez proche de ce qu'on a à l'intérieur de Cérès, même si on n'a pas d'informations sur l'intérieur de Cérès, mais en tout cas, on peut imaginer que l'intérieur de Cérès soit assez proche de ces chondrites carbonées. Si on les appelle chondrites carbonées, c'est parce que justement, elles contiennent une grande quantité de molécules carbonées. Donc Cérès doit naturellement avoir une grande quantité de molécules carbonées dans son intérieur. Donc après, il y a des molécules carbonées, il y a de l'eau, même si c'est des saumures, qui interagissent entre elles. Donc potentiellement, on va former des molécules organiques plus complexes. De là à former de la vie, c'est encore un autre contexte. Mais si on met des molécules carbonées en contact avec de l'eau liquide, même à basse température pendant très longtemps, elles vont naturellement former des molécules beaucoup plus complexes. Mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'informations précises sur la présence de molécules organiques complexes à la surface de Cérès. Un dernier mot en une seconde, Julie Castillo. D'autres missions, du coup, sont prévues maintenant que DARWIN est terminé. On va retourner, justement, voir Cérès de plus près, à votre avis, dans les années qui viennent ? Alors, nous venons juste de finir une étude commandée par la NASA pour voir quel genre de mission on pourrait envoyer vers Cérès dans le futur. Ce que nous avons suggéré, donc mon équipe, j'ai mené cette étude-là, c'est que en fait, on retourne un échantillon de la surface de Cérès, et en particulier un échantillon des évaporites. On pense que les sels peuvent avoir cristallisé dans leur structure des organiques. Et donc, on pourrait adresser directement cette question de la nature des organiques à l'intérieur de Cérès. Et bien, suivra ça avec évidemment beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Julie Castillo, merci Gabriel Toby d'avoir été avec nous pour nous parler de ces dernières études sur Cérès tout au long de cette heure. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Nasser Moussaoui, aujourd'hui la technique. Demain, nous nous pencherons sur le problème des marées noires suite aux accidents à l'île Maurice, celles évitées de justesse au Sri Lanka et celles qui menacent les côtes du Yémen. Comment les prévenir? Quelles techniques pour y remédier? Que peut la science contre ces immenses catastrophes écologiques? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.